Si vous saviez comme je l'aime, comme je l'aime, y'a pas de mots pour en parler, c'est comme une tarte à la crème, tarte à la crème. Pour savoir, faut y goûter, faut y goûter, mais pour l'amour, y'a pas de recette, il faut toujours improviser, car en amour, c'est ça qui est bête, il y a des jours. On peut se planter. Un mot de trop dans la friture. Dans la friture. Et v'là la marmite qui déborde. Qui déborde. Une parole un peu trop dure. C'est le plat entier qu'on s'aborde. Si vous saviez comme je l'aime. On peut pas s'imaginer. Que même une tarte à la crème. Ça peut pas se comparer. Mais quand l'amour fait des grumeaux, rien à faire pour se rattraper. Car en amour, c'est ça qui est chaud. Il faut toujours bien mélanger. Oh, ça séduit le trop de citron. Et v'là la maillot qui fout le camp. Nous v'la glacer comme les marrons. Être amoureux, c'est pas marrant. Si vous saviez comme je l'aime. Oh là là, rien d'y penser. Je crois que je pourrais même. Lui offrir mon cœur engelé. Mais pour l'amour. Quand ça attache, y'a pas toujours. Faire tremper. Car en amour, c'est ça qui est vache. Il y a des jours, ça reste collé. Une larme en trop d'inattention. Et v'là la sauce qui est toute gâtée. A trop touiller les émotions. Les émotions, les fasses tournées. Si vous saviez comme je l'aime. Je peux même pas vous raconter. Et la crème. C'est que je suis même pas pâtissier. Mais pour l'amour, le seul problème, c'est de choper le pelto pour faire lever. Oui, car l'amour, c'est comme la crème. Il y a des jours, ça peut retomber. Quelques phrases un peu trop salées. Et v'là le gratin qui est foutu. Un geste qu'on a oublié. Sur le gazier, tout est perdu. Si vous saviez comme je l'aime. Faudrait que j'arrête d'en parler. Car on a beau aimer la crème. Je vais finir par vous gaver. Et quand l'amour, le mettre au fou. Réchauffer, c'est pas toujours la bonne recette. Ça reste lourd à digérer. Ça reste lourd.